t'attendre à côté. Dans l'ombre, épaule contre épaule, un corps frémissant que je frôle avant que de le posséder. Un corps pour me pencher dessus et par d'imperceptibles touches des doigts et de la bouche en violer tous les inconnus. Un corps de femme, femme, brûlant de mille flammes, mi-tigresse et mi-biche, ou bien encore en friche, pudique et désarmant. Un corps frêle de femme enfant, un corps pour y donner mes nuits, devenant moi-même le diable d'un enfer désirable, vivant sous ciel de lit. Un corps qui se dispute, se prend de haute lutte, ennemi ou complice, au gré de son caprice, tendre ou griffe dehors. À vaincre au corps à corps, un corps pour y donner le jour à une folle symphonie, en semant la vie pour récolter